En direct avec Franck Marc. Non, c'était le blanc, ça enregistre sur le blanc. D'accord, là je peux. Dans une lettre que tu m'as écrite au mois de novembre, non, décembre, tu me disais, à 15 ans je faisais l'amour comme un homme. Maintenant tu fais comment l'amour? Quoi? J'écrivais ça? Oui. À 15 ans, je faisais l'amour comme un homme? Oui. Et tu avais l'air de le regretter? Non. Non, je ne regrette pas du tout. Non. Mais ce qui m'étonne, c'est d'avoir écrit ça. Au fond, voilà. Ça veut dire quoi? Si ça veut dire quelque chose, si j'ai écrit ça et que ça veut dire quelque chose, ça veut dire ceci. C'est qu'à 15 ans, je faisais. Je croyais qu'au fond il y avait une manière de faire l'amour, que cette façon était bon, c'était la manière de faire l'amour, c'était la manière au fond telle qu'on peut la voir au cinéma. C'est par les films qu'on voit. Oui, enfin c'est la manière de. Voilà, en fait, je savais pas comment faire l'amour, finalement. Je croyais qu'on devait faire l'amour comme finalement ce qu'on montre au cinéma, avec toutes les images que ça implique. Que ça implique. Les cris de la nana. C'est que ça correspondait donc quand même à une certaine normalité. Oui. La fameuse normalité. Oui. Le mec en sueur qui arrache tout et qui. Enfin bon, c'est un buffle, et puis la nana qui hurle de plaisir ou de douleur, on ne sait pas, qui hurle, et puis voilà, je faisais l'amour comme un homme, c'est-à-dire que on faisait l'amour, je faisais l'amour d'une manière totalement mutilée, parce qu'en fait c'était une manière de faire l'amour qui devait correspondre à justement une représentation imaginaire. So you were a buffalo? Yes. Yes. Yes, I was Buffalo. Je chantais le coq. En fait, bon, c'est là où ça conduit à des échecs. Ça conduit à des échecs parce que évidemment, parce que ça correspond à rien. C'est du cinéma et qu'on fait pas l'amour en réalité comme on le fait au cinéma. Ou en tous les cas, si tu veux, la difficulté. Au fond, ce que va montrer le cinéma, c'est pas forcément faux. Simplement, ce que montre le cinéma, si on le prend comme image, on pense que c'est ce qu'il faut obtenir. Au fond, il y a une inversion entre les causes et les effets. C'est-à-dire qu'au fond, on prend le résultat, ce qui est visible, pour ce qui doit être au fond. La manière, enfin ce qui doit être fait en fait. On prend l'effet pour ce qui doit être fait. Alors que précisément, c'est justement les effets de ce qui est fait. Et on perd ce qui doit être fait. C'est-à-dire faire l'amour, justement, et pas faire du cinéma. En gros, faire l'amour, c'est pas hurler. Même si au cours de la. Même si au cours de la rapport sexuel, la femme peut se mettre à hurler. Mais c'est pas ce qui est recherché. Et pas l'homme? Ben l'homme aussi, pareil. Mais c'est parce que c'est l'image complètement classique des films. On n'a pas dû voir les mêmes. Mais je parle, c'est tous ces trucs passés à la télé, même ces films, ces téléfilms ou ces machins comme ça, dès qu'il y a une scène d'amour, c'est l'homme hyper puissant qui développe la puissance cosmique en lui et je ne sais quoi, et qui. Qui pénètre une étoile, et puis la nana qui file. Et voilà, et en fait, voilà, il y a une inversion. Après, forcément, ces images qui sont au fond, on montre ce qui est visible et les effets, et ben on le prend pour ce qui doit être fait, réalisé. Et de là, forcément, si tu considères que faire l'amour, c'est faire crier la fille, eh bien, c'est vrai, il faut me tromper dans le masochisme, dans le sadisme, et lui taper dessus, ça sera peut-être plus efficace. Ouais. Et forcément, on arrive à des échecs, parce que si à un moment, tu considères que tu as fait correctement l'amour quand elle a crié... Oui. Il suffit de crier pour faire l'amour. Je peux pas mettre mes choses comme ça. Tu comprends, et après, alors, tu te ressens, tu as des blocages, des choses comme ça. Forcément, parce que si ça ne crie pas, c'est un échec, et si c'est un échec, c'est que tu es anormal, et si tu es anormal, et ben, le doute s'installe, et si le doute s'installe, tu n'arriveras plus à la faire crier, jamais. C'est une circularité terrible, ça, c'est... Voilà, je sais pas si c'est un sens. Si j'ai écrit ça, c'est certainement que ça voulait dire ça. Maintenant, je sais pas comment je fais l'amour, je prends plus les effets pour ce qu'il y a à réaliser. Tu les fais tout crier ? Non. Qu'est-ce que t'es bête. Voilà. C'est étonnant d'avoir écrit ça, quand même. Si, si, c'était... c'était lorsque tu me... Tu passais en revue... tes 12 dernières années. Mm-hmm. Maybe. Oui, c'était une... c'était une manière ironique. Enfin, une... non, c'était pas une manière ironique. Non, je crois pas c'était, que c'était une manière, ironique. C'était pas une manière ironique, non. C'était au fond, oui, c'était, ça donnait la vérité, mais c'était pas très flatteur. Je disais ma vérité, mais c'est pas très flatteur. Parce que pour moi, faire l'amour comme un homme, ça veut pas... Voilà, c'est l'homme avec... c'est le héros. Avec tout ce que ça comporte, l'homme, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire le mal. La bête. Le mal, quoi. La bête de nature. Physiquement... Oui, mais à 15 ans, on peut se pardonner, on se dit qu'on va grandir. On va se dire qu'on va prendre des muscles par la suite. À 15 ans, on se dit qu'il y a de l'espoir, quoi. Tu vois, la croissance n'est pas terminée, on se dit qu'on va se changer à 15 ans. On peut se permettre des petites imperfections de parcours. De ce que tu disais à 15 ans ? Non, non, mais je me disais pas non plus que je faisais l'amour comme un homme à 15 ans. Ah. Et que tu aurais bien aimé le faire comme un homme ? Ben, je cherchais, oui, je cherchais à faire l'amour comme un homme. Je cherchais à faire l'amour comme un homme, c'est-à-dire comme un homme, c'est-à-dire en même temps ça renvoie à 15 ans, c'est qu'à 15 ans, précisément, j'étais un adolescent, j'étais pas un homme. Et que ça veut dire que... Ça c'est très fort. Maintenant que je suis un homme... Mais non. Non, mais à 15 ans j'étais pas un homme, c'est-à-dire qu'il y avait des tas de choses, des tas de difficultés, des tas de complexes, des tas de choses qui n'étaient pas résolues en moi. Et je ne veux pas dire qu'ils maintenant sont toutes résolues, mais même à 15 ans, on est encore dans une certaine incertitude de soi. Et forcément, faire l'amour comme un homme, c'était aussi faire l'amour sans ses incertitudes, en niant totalement ses incertitudes. Si on passe par-dessus. Alors que précisément, à 15 ans, il y a des tas de choses à découvrir. Et faire l'amour comme un homme à 15 ans, quand je dis 15 ans, c'est la première fois où je fais l'amour, c'est faire l'amour comme si tu avais toujours fait l'amour. Alors que précisément, il faut l'apprendre. Il y a des choses à découvrir, c'est clair. Mm-hmm. Des choses à découvrir. Et c'est au fond, tu fais l'amour comme si tu avais déjà tout découvert. Et précisément, tu n'as rien découvert. Merci. Précisément, tu fais l'amour d'une façon bien bizarre. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que je pense que tu avais quand même envie de découvrir. Ah oui. Tu sentais bien la nécessité de découvrir. Bien sûr. Oui, bien sûr, oui, j'avais l'envie de découvrir, oui. Mais, c'est pour ça que c'était contradictoire, oui, il y avait l'envie de découvrir, et en même temps, l'idée que pour découvrir, il fallait déjà considérer qu'on a déjà tout... Enfin, c'était pas une idée, mais c'était en même temps, comment découvrir quelque chose quand, au fond, la manière dont, d'une matière, de façon non réfléchie, comment découvrir ce qu'il y a à découvrir, quand d'une façon non réfléchie, pour découvrir, il faut déjà que tu considères que tu as tout découvert. Que tu, il faut pas que tu considères, mais que tu considères que tu as déjà tout découvert. Au fond, comment découvrir les choses de l'amour quand précisément tu... Pour toi, faire l'amour, c'est déjà faire l'amour comme si tu avais tout découvert, sans précisément l'avoir découvert. C'est pas clair du tout, mais c'est une contradiction de cet ordre. Évidemment, il y avait envie, mais cette découverte a été entravée par les impossibilités de faire l'amour auxquelles conduisait le fait de ne pas tenir compte qu'il y avait justement à découvrir des choses. D'une façon à peu près claire et consciente. C'est-à-dire que découvrir les choses... Oui, mais découvrir les choses, c'était la seule manière envisageable de faire l'amour. Oui, mais, mais justement, c'est bien pour ça que faire l'amour était problématique. Parce que découvrir, c'est le mot qui est trompeur, en fait, précisément. Il y aurait plutôt à mettre en œuvre, à pratiquer des choses que je n'avais jamais pratiquées, mais que je n'avais plus à découvrir, parce que je considère que puisque précisément, je faisais l'amour comme si je les avais déjà découvertes. C'est-à-dire... Par exemple. Eh bien, j'en sais rien. Il n'y a pas d'exemple très précis. Non, il n'y a pas d'exemple très précis pour la bonne raison que je pourrais pas découvrir une impossibilité qui m'est simplement propre et à la nature de l'autre, alors ça colle plus. Non, mais l'impossibilité, le non, s'il y avait une impossibilité de ma part, était plutôt dans les problèmes d'érection ou d'éjaculation, mais pas des noms de non, je veux pas essayer quoi. Voilà, c'est pour ça que je trouve pas d'exemple précis. Oui. J'ai pas répondu à ta question. Il faudrait que je réponde à quoi? Cette lettre était si drôle. C'est vrai? J'en souviens plus. Elle est récente. Bah décembre, c'est vieux, c'est il y a 3 mois. N'exagère pas. Non mais j'en souviens plus. C'est vrai? Tu disais quoi dedans? C'est celle où je parle de l'éjaculation précoce? Non, pas du tout, non. C'est une autre? Oui. C'est celle où tu me parles d'Isabelle. Mais je m'en souviens plus de cette lettre-là. C'est marrant, hein, tu m'as dit plusieurs fois que tu m'en parles, je m'en souviens plus. Faudrait que je la relise pour me remettre en mémoire un jour. Oui. Je te la passerai. D'accord. Et ta petite théorie sur la cigarette? Des petits désirs. Qui rattrapent les petits désirs. Ah ouais. Bon, elle m'était pas propre cette théorie au fond. J'ai piqué chez ça. Ça me semble si juste. Qu'au fond, chaque cigarette allumée, c'était un désir d'appropriation du monde. Vouloir fumer une cigarette, c'était au fond, mais c'est que là d'une façon générale, tout désir de quelque chose, c'est toujours un désir non pas de ce quelque chose en particulier, mais à travers lui, c'est aussi désir du monde dans sa totalité. Et donc, correctement, enfin l'idée qui s'ensuit, c'est que fumer une cigarette, à chaque fois, c'est un petit désir qui est satisfait. Fumer une cigarette, voilà, on la désire, on la fume, on l'allume, on la fume. À chaque fois, donc c'est un désir qui est satisfait. Ce désir, finalement, à chaque fois, il est désir de la totalité du monde aussi, qui est satisfait. C'est le désir d'appropriation de la totalité du monde qui se satisfait en fumant une cigarette. Fumer une cigarette, c'est s'approprier le monde. Et plus tu as envie de choses, plus finalement tu te mets à fumer. Dans la mesure où plus tu as envie de choses et moins tu peux les satisfaire ces choses, et bien plus tu te mets à fumer. Tu pourrais boire. Oui, boire ou manger des chewing-gums ou des bonbons, des gâteaux ou je ne sais quoi. Mais la cigarette, c'est ce qui est le plus commode. C'est ce qui est le plus facile. Et finalement, ce qui permet le plus la succion, surtout. Ouais. Oh non, il y a bon qui est pas mal, mon genre. Mais pas des lèvres. Non, puis c'est le plus commun, puis, parce que les bonbons, à un moment, c'est celui qui engendre le moins de... La cigarette, c'est ce qui engendre le moins de contre-finalités à court terme. C'est-à-dire les effets nocifs de la cigarette à court terme, il y en a peu. Si tu manges, je sais pas moi, 30 ou 40 bonbons dans la journée, t'as un sacré mal d'estomac ou je ne sais quoi. Les chewing-gums, c'est pareil, l'alcool, je te raconte pas dans quel état tu es. Tu pourrais boire de l'eau. Ouais, tu pourrais boire de l'eau. Tu pourrais boire de l'eau, mais tu pourrais pas en boire tant que ça, de l'eau. Même si tu bois 2-3 litres d'eau, 4 litres d'eau dans ta journée, c'est beaucoup. Puis il faut se balader avec de l'eau, c'est pas commode. Oui, tu pourrais très bien boire un verre d'eau à la place d'une cigarette. Mais ça reviendrait au même. Non, ça reviendrait pas au même, parce que le problème, c'est qu'il y a aussi la durée qui est enclenchée dedans. Et la cigarette, prend 5 minutes, si tu dois boire de l'eau, prend 5 minutes. Oui, en fait, tu ne fumes pas continuellement pendant 5 minutes. Même si une cigarette fait 5 minutes, on peut penser que tu peux boire ton verre d'eau en 5 minutes. D'accord, mais il faut toujours se balader avec sa bouteille et son verre d'eau, c'est pas commode. Le paquet de cigarettes, c'est sec, le transport pas entre partout. L'eau, si tu gardes. C'est ça qui est commode dans la cigarette. C'est que c'est transportable. Pas de problème. Une petite bouteille d'eau que tu glisserais dans ta poche, ça me semble tout aussi transportable qu'un paquet de cigarettes. Ouais. Oui, mais on pourrait très bien boire de l'eau. On pourrait faire l'essai, on pourrait boire de l'eau. C'est la seule manière d'arrêter de fumer ? Non. C'est une substitution ? Ouais. Au moins pour quelques semaines ou quelques mois, je dis pas que... Substituer. Mais oui. Mais en même temps, dans la cigarette, c'est le problème, c'est qu'à un moment, il faut que ce désir... Il a un contenu. C'est-à-dire que le problème de l'eau, c'est que c'est fait, l'eau, ça n'a pas de goût. L'eau, ça n'a pas de goût, ça n'a rien. Et que... Voilà, c'est pour ça que ça ne colle pas non plus, l'eau. Parce que ça n'a pas de goût. Qu'à un moment, si tu dois t'approprier quelque chose, ou bien tu t'appropries quelque chose. C'est-à-dire, ton désir, il faut bien qu'il soit le désir de quelque chose. Et ce qui est bien avec la cigarette, c'est que tu peux en désirer autant parce que finalement tu es désir de rien. Il y a un désir de rien. En fait, tu peux en fumer autant que tu veux des cigarettes. Enfin, il me semble qu'on peut en fumer autant qu'on veut. Parce que finalement, tu combles rien dans l'organisme avec une cigarette. Quand tu bois de l'eau, tu te remplis, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, là, mais dans le ventre, ça se gonfle et tu remplis. L'eau, ça a une fonction, c'est-à-dire qu'il y a une matérialité. Il y a une matérialité de l'eau que tu n'as pas dans la cigarette. Tu sens bien les effets de la cigarette. Oui, mais la matérialité, si tu veux, la matérialité de la cigarette est si faible, une fois que tu l'as avalé, la fumée, que finalement, tu n'es pas limité justement par cette matérialité de la chose que tu fais pour satisfaire ton désir. Et puis en même temps, de toute manière, autour de la cigarette, il y a quand même tout l'imaginaire qui vient se greffer. Donc c'est aussi pour ça que à travers la cigarette, on peut s'approprier le monde. C'est parce que aussi en même temps, il y a tout un imaginaire qui vient se greffer autour de la cigarette. Et donc en fumant la cigarette, on s'approprie aussi cet imaginaire qu'on n'a pas autour de l'eau. Pourquoi tu vas aller aux États-Unis pour fumer ça? Pour fumer sur les trottoirs de New York. Ouais. Parce que c'est aller aux États-Unis, c'est mettre en présence de mon imaginaire d'enfant et d'adolescent. Alors dans quelle ville des États-Unis? New York, San Francisco. Et après les déserts. Les déserts, les grandes routes, voilà, les grandes plaines du centre. Le Grand Canyon, c'est pas vraiment tous les clichés. La Louisiane? Non, pas tellement. Chicago? Ouais, Chicago aussi, ouais. Boston. Pour quel imaginaire, Boston? Pour le prestige? Les voitures. Autant à Détroit? Ouais, il y a plus de voitures. C'est à Détroit qu'on fait les voitures, pas Boston. <non. rire> Oui, c'est Détroit alors. Détroit. C'est sur la côte ouest, Détroit. Détroit, c'est sur la côte ouest? C'est au nord de la côte ouest. Ah ouais. Ben alors c'est à Détroit que je vais aller, pas à Boston. Mm-hmm. Boston. C'est au nord de la Californie, à l'extrême nord. D'accord. Au sud du Canada. D'accord, je vois à peu près où c'est. C'est grand les États-Unis. Voilà, c'est à Détroit pour les voitures. Et quoi d'autre, je sais pas, moi, ouais. Et San Francisco. San Francisco, parce que San Francisco c'est les États-Unis. Non, c'est vrai, c'est, pour moi, il y a deux villes qui accueillent les États-Unis, c'est New York et San Francisco. C'est... Pas Los Angeles? Pourtant, Los Angeles, c'est Hollywood. Ouais, peut-être Los Angeles. Non, mais San Francisco, c'est la côte ouest, c'est le tramway, c'est parce que San Francisco, ça a été chanté dans le rock'n'roll. Oui, pourquoi les États-Unis? Parce que j'ai été biberonné au rock'n'roll et que les rock'n'roll, c'est les États-Unis. Et San Francisco, il s'est chanté 10 millions de fois dans le rock'n'roll. Voilà pourquoi San Francisco. Tu ne veux pas aller faire un pèlerinage chez Elvis? Non. Non, non. À pied. Non, non, non. En partant de New York. Non, non, non. Non, pas Elvis, mais San Francisco, je sais pas, moi c'est... Ouais. C'est les hippies, c'est... C'est pas le surf? Non, non. Les le grands blonds qui font mais du non, surf? Non, c'est les hippies, musculé. C'est les hippies de San Francisco, c'est... Voilà, c'est ça, c'est... C'est la côte ouest, les hippies, le rock'n'roll. Les pétards, super. Non. Le tramway et. Et les collines. Oui, les collines, mais les collines c'est plus tard. C'est pas mon imaginaire d'enfant, les collines de San Francisco. C'est plus tard. C'est presque mon imaginaire d'adulte. Voilà pourquoi San Francisco. Frisco. So far away from LA, so far to Frisco. Et les pays de l'Est? Pas d'imaginaire? Si, c'est tout l'imaginaire révolutionnaire pour les pays de l'Est. L'imaginaire révolutionnaire, c'est... Tu me lâches la main. Voilà. Non, mais oui, mais voilà, les pays de l'Est, oui, c'est la révolution. C'est la révolution, c'est les grandes masses qui se lèvent et qui foutent à bas l'ordre établi. Et Tatiana et Calambra, non. Hélène. Et Elena, tu crois qu'elles font partie de ton imaginaire révolutionnaire? Non. Je crois pas, moi. Non, je vais te dire non. Tu crois pas que c'est que non? Tu crois que oui? Non, je crois que non. Non, pas du tout. Non, faut pas du tout pour partir dans l'imaginaire révolutionnaire. Non, non, c'est... Bon, non, ça n'a pas grand-chose à voir. Faut pas partir dans l'imaginaire du tout, d'ailleurs. Un petit peu. Mais... Un tout petit peu, oui. Ça fait faire du l'imaginaire parce que ça correspond entre l'Union soviétique et que l'Union soviétique, c'est quand même le pays de la révolution. Et que... Et voilà, c'est de soviétique. Tiens, j'ai vu un reportage d'ailleurs et j'ai pensé à toi. C'est vrai? Sur l'extrême... Orient soviétique? Ouais, l'extrême Orient soviétique. T'as pas vu Hélène et Tatiana qui nous ont dit? Non, mais j'ai pas vu beaucoup de grandes blondes. Enfin... Elles sont comment? Bah, elles sont vraiment très proches de la frontière. Elles ressemblent à des chinoises? Chinoises, quoi. Elles ressemblent à des chinoises? Non, non, non, c'est des populations qui sont très très mélangées. Uh-huh. Effectivement, tu as... Tu peux rencontrer autant de Mongols que de gens qui ont l'air un peu assez vraiment chinois. Mm-hmm. Puis à côté, tu as des beaux moscovites. Mm. Ou de Saint-Pétersbourg. Hein? Oh, tu vas partir aux États-Unis faire du rap? Non. Avec ta guitare électrique. Non. Il me verra bien aux États-Unis à faire du rap avec une guitare électrique. Tu fais du rock'n'roll ou de la philosophie aux États-Unis? Ou ni l'un ni l'autre? Si je dois faire plus l'un, c'est la philosophie. Je fais de la philosophie aux États-Unis. Mais ça dépend quand je vais aux États-Unis. Plus tard, je fais de la philosophie aux États-Unis. Mais j'en ferai pas, j'irai enseigner. C'est vrai? Dans quelle université tu voudrais aller? Berkeley. Berkeley. Ça me semble clair, Berkeley. Oui? Non, j'enseigne aux États-Unis, mais en plus tard, j'enseigne. Je leur apprends. J'apprends la révolution aux Américains. Le problème. Il n'y a pas de problème, j'apprends la révolution aux Américains. En fait, voilà, je vais aux États-Unis, c'est pour prêcher la révolution. Et quand tu fais du rap, tu sais aussi une manière de prêcher la révolution. Ouais, mais pour l'instant, je fais pas de rap. Je vais peut-être en faire, mais c'est... T'en feras peut-être avant de venir enseigner à Berkeley, non? Comment? Non, le rap, c'est... C'est en plus, c'est pour plaisir, c'est la détente, etc. Toute petite sodomie, rien du tout. Non. J'ai des boutons. Oh, j'ai des boutons. Fais chier, fais chier. T'as plus de questions à me poser. Alors tu veux plus devenir poète? Mais j'ai jamais voulu devenir poète, moi. Dans mon imaginaire, tu étais un petit peu poète. Ouais. Non, j'ai jamais voulu devenir poète. Poète. Je peux pas parce que les poètes, ils utilisent le langage et je sais, d'une manière dont que je ne sais pas utiliser. Alors... Ils inversent, c'est-à-dire qu'ils... Le langage, pour eux, c'est... Le mot, c'est la chose. Le mot, c'est la chose. Et précisément, moi, je ne sais pas faire ça. Pour moi, le mot, il vise la chose, mais il n'est jamais la chose. Donc, il y a ça, ils prennent le langage à l'envers. Ils partent de la chose et pour aller vers le mot, et les autres, tout le monde, utilise le mot pour aller vers la chose. Mais les poètes, ils prennent le langage à l'envers, ça, je ne sais pas faire. Tu voudras pas essayer d'écrire un poème comme Allégeance? Un tout petit. Bon, je t'écrirai pour toi des petits poèmes. Je me serai à la poésie, j'écrirai des tout petits poèmes. J'écrirai des poèmes pour avoir des petits, mais j'écrirai des poèmes pour toi. Pour toi, j'essaierai d'en écrire des poèmes. Je te promets pas ce que c'est avant la théorie de la vérité, après le rap? Non, ce sera avant la théorie de la vérité. D'accord. Dès que j'aurai fini de récupérer quelques bricoles. Après le circuit de l'ipsilité? Oui, après le circuit de l'ipsilité. Parce qu'on n'a pas parlé du circuit de l'ipsilité. Non, on n'a pas parlé du circuit de l'ipsilité. Tu ne veux pas parler du circuit de l'ipsilité? Bon, j'ai pas grand chose à dire du circuit de l'ipsilité. C'est un peu tôt. Le circuit de l'ipsilité. Alors pendant les grandes vacances, tu t'isoles et non. Tu écris? Non. Je m'isole pas, mais j'écris. Je m'isole pas pendant les grandes vacances. Pendant les grandes vacances, j'ai envie d'être avec toi. J'ai envie de te voir. Bien. Tu veux pas, toi? Si. J'ai envie de te voir. J'ai envie de pouvoir passer 3 jours. D'une manière continue et voilà, genre on est en vacances et on n'est pas spécialement pressé, on n'a pas 36 000 choses à faire et on peut glandouiller un peu, se reposer, passer du temps et surtout pas être pressé par le temps. De toute façon, on s'est jamais accordé beaucoup de moments où on n'a pas été pressé par le temps. C'est-à-dire, soit sans avoir rien à faire de précis le lendemain, le jour même ou le lendemain. Et à la fin, voilà, on s'est accordé 2 jours à Charleville, c'était bien. Il y a au moins une soirée où on a eu le sentiment, où je savais que j'allais pouvoir passer encore une journée et une nuit avec toi après. Merveilleux, merveilleux. Pendant quelques heures, je me suis dit qu'on n'était pas pressé. On avait une journée, on avait 24 heures devant nous. Entière. Eh bien, c'était bien, non? Ah, c'était très bien. J'aimerais bien renouveler l'expérience, tu vois, sur deux jours, trois jours. C'est un peu plus. Voilà, donc j'ai crié pendant les grandes vacances, mais je ne m'isole pas. Je n'avais pas de raison de s'isoler. Mais... Tu vas écrire à besoin? Non. Non, non, j'ai des parents d'une amie qui ont acheté une grande maison dans les Alpes-Maritimes. En non, je ne crois pas que ce soit dans les Alpes-Maritimes. L'Alpe de Haute-Provence. Non, tu la connais? Dans les Alpes de Haute-Provence, c'est bien, voilà. Ils disaient que c'était pas une mauvaise idée, surtout si elle est une piscine. Mais si tu viens, il ne faudra pas travailler, il faudra travailler à la maison. Quand ça, à la maison? Pour la maison, c'est-à-dire repeindre les volets. Ah non, mais ça me plaît pas du tout. Si je vais dans une maison, je vais dans une maison où tout est bon, quoi. Mais non, ce sera pas possible. Ah bon, bah ça me plaît d'être pour moi déjà. Tu pourras récurer la piscine. On verra. Tu vas pas rester à Besançon? Non. De manière, je vais quitter Besançon. Je vais quitter Besançon. De manière, j'ai besoin de vivre seul. Arrêtons ce magnétophone. Ça devient n'importe quoi de manière.